Théophile Gautier, Pastel. J'aime à vous voir en vos caresses, vos valses. Portrait jauni des belles du vieux temps, tenant en main des roses un peu. Parmi eux, on vient à des fleurs de sang. Le vent d'hiver, en touchant la joue, a fait mourir ses œillets et ses lits. Vous n'avez des mouches de mou et sur les quais salis. Il est passé le doux ray de l'hiver, la paravère avec la pompadour. Je trouverais que des sujets rebelles et sous leur tronc enterré à l'amour, ou cependant vieux portrait qu'on oublie. Vous respirez vos bouquets sans parfum et souriez avec mélancolie.